الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاليوم إن شاء الله هو الدرس الثالث في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله عليكم السلام. Aujourd'hui إن شاء الله on entre dans le troisième cours de ce livre شمائل النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire les qualités sublimes du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce livre a pour but de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans deux choses, physiquement et moralement, dans deux choses, dans son comportement. Donc ce livre il nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon physique et aussi son comportement et des choses que le prophète alayhi salatu wassalam possédait dans sa vie. Tout ça pour mieux connaître le prophète alayhi salatu wassalam. On a expliqué pourquoi il est important aux musulmans de connaître le prophète sallallahu alayhi wassalam. Et on est toujours dans le premier chapitre, bab sifatin nabi sallallahu alayhi wassalam, ay sifatuhu al-khalqiyya. Le chapitre sur la description physique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans les hadiths passés, on a pu voir la couleur de peau du prophète alayhi salatu wassalam. On a pu voir ce qui concerne la taille du prophète alayhi salatu wassalam. Il était de taille moyenne. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wassalam laysa bil tawil al ba'in wala bil qasir. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas trop grand et il n'était pas petit, ce qui veut dire qu'il était de juste milieu, mais plus proche de la grandeur. Il était entre les deux, mais on pouvait dire il est plus grand que petit alayhi salatu wassalam. On a vu aussi la couleur de peau du prophète alayhi salatu wassalam. Ma kana bil adam laysa bil abyad al amhaq wala bil adam. On a vu que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas une blancheur totale. Donc il était blanc, mais dans la blancheur de sa peau, il y avait de la rougeur. Bayadhuhu kana yamilu ila al-humra. Il y avait une rougeur sur sa peau. Il était de couleur blanche, mais il avait une rougeur sur sa peau alayhi salatu wassalam. Wala bil adam laysa bil asmar. Il n'était pas mat de peau sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi ses cheveux. Ma kana bil ja'd al qatat wala bis sabt. On a vu qu'il n'avait pas les cheveux crépus et frisés et qu'en même temps, il n'avait pas les cheveux complètement relâchés. Alayhi salatu wa sallam. Fa kana mutawassitan fi lawnihi fi sha'rihi fi tulihi. Le prophète alayhi salatu wassalam était de juste milieu dans sa couleur, dans sa taille, dans ses cheveux et dans toutes les parties de son corps alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a vu que avant sa mort, les compagnons radiyallahu anhum ont compté les poils de sa barbe, les poils blancs de sa barbe, et ils ont dit que lorsqu'il est mort, il n'avait pas plus de 20 poils blancs alayhi salatu wassalam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a donné un beau corps au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi vu sa façon de marcher. Idha masha yatakaffa'u takaffu'an, ay ka'annahu yanzil yamshi fi nuzul. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, on avait l'impression qu'il descendait une pente pour nous montrer que quand il marchait fermement alayhi salatu wassalam. Donc il était fort même dans sa démarche. Il ne marchait pas comme une personne qui est prise par la paresse, une personne qui est fatiguée à la fin de la soirée de toute sa journée. Non, quand il marchait, on avait l'impression qu'il descendait une pente. Donc il marchait vite et il marchait avec fermeté alayhi salatu wassalam. On a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wassalam كان بعيد ما بين المنكبين. On a vu que l'espace qui séparait ses deux épaules dans son dos Donc le haut de son dos, alayhi salatu wassalam, était large. Alayhi salatu wassalam. Physiquement, il avait la force de 30 hommes. Alayhi salatu wassalam. Le prophète avait la force de 30 hommes. Il y a un compagnon qui s'appelle Abu Rukana, radiyallahu anhu, qui était connu chez les Arabes pour être l'homme le plus fort dans le combat et dans la lutte et dans le corps à corps. À un point où, avec sa force physique, il battait les gens. Il battait des grands soldats. Cet homme-là, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui a dit, « Ya Muhammad, ô Muhammad, si tu es vraiment un messager d'Allah, on va faire un corps à corps, toi et moi, on va se battre, et si tu gagnes, à ce moment-là, c'est la preuve que tu es le prophète. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, « Approche-toi, viens. » Et l'homme, il s'est approché, il était fort. « Kana rajulan qawiyan saminan » Il était fort, il était corpulent. Il a voulu commencer à se battre avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète l'a pris avec une main, il l'a jeté par terre, sans aucun effort. Il s'est levé, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Parce qu'il savait la force qu'il avait et que vraiment cet homme-là était très fort, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam. On a vu aussi les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le vêtement, un des vêtements qu'il portait, qu'on appelle en arabe al-hulla, wa huwa thawb al-mukawwanu min juz'ayn. C'était un vêtement composé de deux parties. La partie qui se met en bas, on appelle ça le pagne, et celle qui se met en haut, le manteau, al-rida ou al-rida ou al-izar en arabe. Et le prophète alayhi salatu wa sallam avait mis une tenue qui était composée de deux pièces. Cette tenue était rouge mélangée avec une autre couleur, alayhi salatu wassalam. Et par rapport à ses cheveux, dans leur taille, on a vu qu'ils arrivaient des fois à la lobe de l'oreille, d'accord, shahmatul udhun. Des fois ils arrivaient aux épaules et des fois ils se rapprochaient de ses épaules, alayhi salatu wassalam. On a vu aussi أنه كان شثن القدمين شثن اليدين أي غليظ القدمين غليظ اليدين بدون خشونة أي غليظ مع اللين عليه الصلاة والسلام. On a vu que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام il avait des mains fortes, larges, et il avait des pieds larges عليه الصلاة والسلام, sans pour autant que ses mains soient rêches. Al-khushuna, hein, la personne qui a travaillé toute sa vie et qui a fait beaucoup d'efforts, là, sa main, elle est dure, elle est sèche. Celle du prophète, alayhi salatu wassalam, était grande ou forte, et en même temps, elle était douce. Le compagnon dit qu'il n'y avait pas, alaykum salam, il n'y avait pas de type de soie plus doux que la main du prophète, alayhi salatu wassalam. Même la soie n'était pas plus douce que sa main. Alayhi salatu wassalam. Et on voit comment Allah a mis de la baraka dans son corps. Alayhi salatu wassalam. On a vu aussi qu'il était dhakhm ras. Il avait une tête large. Alayhi salatu wassalam. Dhakhm al-karadis. Ay ru'us al-idham. Atraf al-idham. Et tous les bouts de ses os étaient larges. Et ils étaient forts. Alayhi salatu wassalam. Et les compagnons ont dit que nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le hadith dans lequel on va entrer aujourd'hui, inshallah, c'est le hadith 9 du livre. On vous a expliqué au début que on va lire que les hadiths qui sont authentiques, qui ont été authentifiés par l'imam al-Albani, rahimahullah. Car dans ce livre, il y a 415 hadiths, mais ils ne sont pas tous authentiques. Et nous, on va se contenter de lire ceux qui ont été authentifiés par le cheikh, rahimahullah. Donc, le hadith 9, عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن سامورة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. Et donc, dans ce hadith, il y a maintenant trois informations concernant le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces informations nous ont été données par Jabir ibn Samurah, qui fait partie des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Dali al-fam, ay azim al-fam. Fakana famuhu alayhi salatu wa salam, wasi'an. Lam yakun bil qasir. Donc, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bouche large. Il n'avait donc pas une bouche qui était petite. Alayhi salatu wa salam. Et on voit deux choses. Plus on lit les hadiths et plus on voit deux choses. La première chose, il était de juste milieu dans son corps. Et en même temps, Allah Azza wa Jal a'atahu quwwa. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une force dans son corps. Et en même temps, il était l'homme le plus beau, alayhi salatu wa salam. À un point où les compagnons ont dit qu'il était plus beau que le qamar, que la lune, alayhi salatu wa salam. قال أشكل العين منهوس العقب ومعنى أشكل العين أي في عينه شكلة والشكلة هي حمرة في بياض العين وهذا مما يحمد عند العرب ومما يدل على الشجاعة عندهم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام avait dans ses yeux ce qu'on appelle en arabe الشكلة. الشكلة c'est une rougeur qui apparaît sur le blanc de l'œil. Sur le blanc de son œil, il avait une rougeur. Et chez les Arabes, c'était une chose qui était méritoire et qui montrait que la personne était courageuse. Un point où même dans leur poésie, fi ash'arihim kanu yadhkuruna hadha, hadhihi shukla fi al-uyun al-humra. Les Arabes parlaient de cette rougeur dans le blanc de leurs yeux, avec chose avec laquelle ils se vantaient. قال منهوس العقب أي قليل لحم العقب عليه الصلاة والسلام. En ce qui concerne ses talons, il n'y avait pas beaucoup de, si on peut dire, de viande dans les talons. C'est-à-dire que ses talons, ils étaient fermes. عليه الصلاة والسلام. Il n'y avait pas beaucoup de viande. Certains ont des talons qui sont larges. Certains ont des talons qui sont très fins. Ceux du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de viande dedans. C'est-à-dire qu'ils étaient fermes. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que quand il marchait, on avait l'impression qu'il descendait. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala shu'bah, qultu li simak, hada ahad ruwat al-hadith yas'al an hadhihi al-awsaf. Qultu li simak, ma dali'u al-fam, qala azimu al-fam, qultu ma ashkalu al-ayn, قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. Et donc les gens qui ont rapporté ce hadith se sont interrogés entre eux, et l'un d'eux qui s'appelle Shu'ba a dit à Simak, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire dali'ul fam, la première description? Fa'ishrah lahu, il lui explique, azimul fam. Deuxièmement, il lui dit, qu'est-ce que veut dire ashkalul ayn, donc la deuxième description. Et là, Sima qui répond, Tawil Shikil Ain. Il répond que son œil comme ça, il était long. Mais, l'ulama, Ahlul Ain, ittafaqu ala anna hadha al-wasf, ou anna hadha al-tafsir khata, wa anna al-sawab ashkal al-ain, ay fi ainihi shukla humra fil bayad. Donc, les savants ont dit que Sima, rahimahullah, s'est trompé dans l'explication de cette deuxième description. Il a dit que c'était que l'œil comme ça, il était bridé, il était allongé. Mais les savants ont dit que Simak a fait erreur dans cette explication, et qu'en vérité ashkalul ayn voulait dire qu'il avait du rouge dans le blanc de ses yeux. Et la troisième, manhus al-aqib, c'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de viande dans ses talons, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith 12, on vous a expliqué, donc ne vous étonnez pas si on saute les hadiths, car on va se baser sur ce que le Sheikh Al-Albani rahimahullah a dit dans le jugement des hadiths. An Abi Huraira radiyallahu anhu qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر رجل الشعر. أبو هريرة رضي الله عنه nous décrit le prophète صلى الله عليه وسلم en nous disant, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc, comme si qu'il avait été pris de l'argent. Là, c'est pour nous montrer comment son visage brillait, alayhi salatu wa sallam. Al-fidda, al-khalis, fihi daw wa fihi nur, fa kadhalika wajhu nabi alayhi salatu wa sallam. Donc, l'argent qui est pur, il brille. La matière qui est connue, l'argent qui est pur, c'est une matière qui brille. Ici, il compare le visage du prophète ou la blancheur du prophète alayhi salatu wa sallam à l'argent dans sa pureté, dans sa brillance. Donc la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a mis dedans un nour, il lui a mis une lumière. Mais quand on dit qu'Allah lui a mis une lumière alayhi salatu wa sallam, ça ne veut pas dire que il sortait de son corps une lumière, comme les gens peuvent croire par erreur. Certains ont cru ça et c'est un égarement, c'est une erreur. Il ne sortait pas de la lumière du prophète alayhi salam de sorte à ce que quand il marche dans le noir, il y a de la lumière dans le chemin. Là, ça ne veut pas dire ça. Ad-dalil ala hadha, les preuves de cela, elles sont nombreuses. Et parmi ces preuves, ce que l'imam muslim rahimahullah a rapporté, que Aisha radiyallahu anha iftaqadat al-nabi alayhi salatu wa salam fabahathat anhu fil masjid. Aïcha a perdu le prophète et l'a recherché dans la mosquée. Elle l'a recherché avec sa main jusqu'à toucher ses deux pieds. Elle l'a entendu dans la prière, dit Allahumma inni as'aluka inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Elle touche ses pieds, elle l'entend, elle se rend compte qu'il est sajid en prosternation en train de faire cette invocation, d'invoquer Allah, de demander qu'Allah lui protège de sa colère, qu'Allah lui efface ses fautes, qu'il lui préserve, etc. Donc ce qu'on retient du hadith, c'est que Aïcha radiallahu anha, elle n'a pas vu le prophète alayhi salatu wassalam, mais elle l'a senti avec sa main. Il a qu'un, si la lumière du prophète alayhi salam, ma'nahu al-nur al-hissi, la ra'atu Aïcha. Si quand on parle de lumière, on parle de lumière, de vraie lumière, vraiment dans le vrai sens du terme, Aïcha l'aurait vu, elle n'aurait pas besoin de chercher avec sa main. Donc quand on dit que le prophète est nour, ça ne veut pas dire la lumière que l'on voit avec l'œil. Mais on sait que celui qui oublie Allah, des fois on dit « fi wajhihi hadha nur ». Dans son visage il y a de la lumière. Et on ne veut pas dire la lumière du jour ou la lumière du soleil. Taïb. Ouais, c'est clair. Naam. Il avait 30 personnes, la force de 30 personnes. C'est physique ou c'est... Non. Par exemple, sexuel, moi j'ai déjà entendu sexuel. Kulli shay, physiquement, sexuellement, dans tout le prophète, il avait la force de 30 hommes. Sallallahu alayhi wa sexuellement, ça fait partie de physiquement. Et le prophète, il a eu en même temps 9 femmes, mais en tout, il en a eu plus de 12 ou 13. D'accord. قال كأنما صيغ من فضة رجل الشعر أي متوسط في شعره فليس بالجعل القطط ولا بالسبت أي ليس شعره متداخلا بعضه في بعض وليس مسترسلا إنما هو متوسط. Donc il était de juste milieu dans ses cheveux عليه الصلاة والسلام. Le 13e hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء واختلف العلماء يحتمل من هذا أن يكون الأنبياء عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أو في ليلة الإسراء والمعراج عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة أي شنوءة قبيلة في اليمن وهم كانوا متوسطين في القامة في الطول فهذا وصف طوله عليه الصلاة والسلام ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيته به شبه عروة بن مسعود وهو من أجل الصحابة ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية دحية الكلبي صحابي كان جبريل إذا نزل تشبه به وجاء في صورته. Donc le 13e hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prophètes m'ont été exposés. On a montré les prophètes au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Quand et à quel moment? Il se peut que ça soit une de ces deux choses. Soit en rêve. Soit il les a vus en rêve. Ou bien, il les a vus la nuit du voyage nocturne. La nuit où Allah lui a tout montré, alayhi salatu wa sallam. Et quand il les a vus, il dit, et j'ai vu Moussa parmi les gens. Darbun min al-rijal. J'ai vu Moussa, sinfun min al-rijal, ma'annas. J'ai vu Moussa avec les gens. كأنه من رجال شنوء، comme si qu'il faisait partie des hommes de la tribu yéménite qui s'appelle شنوء. Pourquoi il dit ça? Parce que cette tribu yéménite شنوء، les hommes de cette tribu étaient de taille moyenne. Ils étaient presque tous de taille moyenne. Et ici, il a voulu dire Moussa, lorsque je l'ai vu, il était de taille moyenne à un point, il ressemblait aux gens de شنوء, la tribu yéménite. Il dit, j'ai vu Isa, le fils de Maryam, alayhi salam. L'homme qui lui ressemblait le plus, c'est-à-dire parmi les compagnons, c'était Urwa ibn Mas'ud, un des plus grands compagnons. Ensuite il dit, et j'ai vu Ibrahim, alayhi salam. Et l'homme qui lui ressemblait le plus, c'est votre compagnon. Il parlait de lui là. L'homme qui ressemblait le plus à Ibrahim, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Donc maintenant on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemblait à Ibrahim alayhi salam. Il dit, et j'ai vu Jibril alayhi salam, et l'homme qui lui ressemblait le plus était Dihya, Dihyatul Kalbi. C'est un homme qui était très beau parmi les compagnons, parmi les sahaba. Et lorsque Jibril venait sous la forme humaine, il se faisait passer pour le prophète, pardon. Lorsque Jibril venait sous la forme humaine, il prenait la forme de Dihyatul Kalbi radiyallahu anhu, à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait au milieu des gens ou chez les gens et qu'il voulait savoir si Jibril était passé par là, il disait Ara'aytum Dihya, avez-vous vu Dihya, parce qu'il savait que le prophète venait sous la forme de Dihya. C'est ce qu'il a fait après la bataille de l'Ahzab, quand les kuffars ils sont partis de Médine, ils n'ont pas réussi à attaquer les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et Jibril est revenu le voir et lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il avait posé ses armes. Le prophète lui dit qu'il va faire ses ablutions pour prier. Jibril lui dit, ton Seigneur te donne l'ordre de reprendre tes armes et repartir à Banu Qurayza, une tribu de juifs qui avait trahi le prophète à Médine alayhi salatu wa sallam. Et le prophète est reparti pour se venger de cette tribu qui ont trahi le prophète alayhi salam. Et Jibril a dit au prophète, je vais te devancer, ana asbiquka ulqi fi qulubihim ar-ru'b, je vais te devancer et je vais mettre la peur dans leur cœur. Et le prophète en chemin en fi tariq bani qurayza kan yas'al an-nas ra'aytum dihya, yaqsidu Jibril alayhi salam. Le prophète dans le chemin il disait aux gens, avez-vous vu Dihya? En vérité, il parlait de Jibril alayhi salam. Donc maintenant on voit aussi que ces compagnons-là, Urwa ibn Mas'ud, ils ressemblaient à Isa, et que Dihya, ils ressemblaient à Jibril, où Jibril il prenait sa forme quand il descendait. Le hadith numéro 14, عن أبي الطفيل رضي الله عنه. أبو الطفيل هذا آخر من توفى من الصحابة. أبو الطفيل qui rapporte ce hadith est le dernier compagnon qui restait sur terre. Le dernier compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام qui restait vivant sur terre. Il dit, يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي أنه آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أطول الصحابة عمرا. قال قلت يعني هذا يسأله سعيد الجريري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Donc un homme dit que Abu Tufail, qui est le dernier des compagnons morts, a dit il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne restait personne sur la surface de la terre qui a vu le prophète sauf moi, c'est-à-dire je suis le dernier à l'avoir vu, je suis celui des compagnons qui est le dernier à avoir vu le prophète alayhi sallatu wassalam. Alors un homme lui dit sifhuli, décris-le-moi comment il était et comment tu l'as vu. Il répond كان أبيض مليحا مقصدا. Et il répond trois, il donne trois caractéristiques. Il dit il était blanc. ونحن رأينا أنه أبيض يميل إلى الحمرة. Et on a vu qu'il était blanc et que sa blancheur virait ou penchait vers le rouge. Il avait de la rougeur. عليه الصلاة والسلام. قال مليحا. هذا بيان حسنه وجماله وبهائه. عليه الصلاة والسلام. ومن هذا في الجزائر يقولون مليح بمعنى مليح هذا بمعنى حسن وجميل. Donc la deuxième caractéristique qu'il donne مليح. Et les Algériens disent مليح, hein? Quand ils disent une chose qui est bien ils disent مليح هذا مليح. En vérité ça vient du mot arabe مليح, ça vient du mot arabe مليح. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est une chose qui est belle. Et donc c'est pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam était beau et que son visage il donnait envie de le regarder. Alayhi salatu wassalam. Les Tunisiens ils disent bahi. Et ça vient de l'baha. Ça vient de l'baha. D'accord? Ça vient de l'baha. Et les Marocains ils disent mizyan. Et le Mizien, ça vient de Zayn. Donc tous ces mots-là, ils ont une base dans la langue arabe. Tout ça, c'est pour dire une chose qui est bon, qui est beau, etc. Bahi, hein. Mleh, au Mizien. Très. Ensuite, il dit Muqassada. Ay hada fi tawlihi alayhi sallallahu alayhi wa sallam kana mutawassitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de juste milieu dans sa taille. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, وبهذا نختم الباب الأول صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ويليه باب ثاني متعلق بصفته. Donc avec cela, on termine le premier chapitre sur la description physique du prophète صلى الله عليه وسلم. Et le chapitre qui suit va nous parler d'une chose qui est en relation avec le physique encore du prophète صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني, le deuxième chapitre. Et ça serait bien que les frères ils essayent de se rappeler vraiment comment était le prophète alayhi salatu wassalam, parce que il faut pas que ça soit juste pour passer le temps. C'est notre prophète, on doit connaître comment il est, on doit savoir comment il est. On doit dire avec facilité le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de juste milieu. Des fois il avait les cheveux jusqu'au lobe de l'oreille, des fois jusqu'aux épaules. Il était blanc avec de la rougeur, il avait de la rougeur sur le blanc de ses yeux. Quand il marchait, on dirait qu'il descendait une pente. Ses mains et ses pieds étaient larges, sa bouche était large, sa tête était large, le bout de ses os était fort et large. On doit dire ça sans hésiter. On doit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, il dit inna min ashaddi nasi hubban li, inna min ashaddi ummati hubban li nasun yu'minuna bi wa lam yarawni yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahli. Ou comme a dit alayhi salatu wassalam, il dit parmi les gens de ma communauté qui m'aiment le plus, des gens qui vont croire en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu, l'un d'entre eux aimerait donner sa famille et ses biens juste pour le voir. Alayhi salatu wassalam. Donc si on veut rentrer dans ce hadith là, il faut qu'on connaisse son physique. Sallallahu alayhi wassalam. Et aujourd'hui les gens ils connaissent même le physique des footballeurs. Ils savent s'il met du 42 ou du 43, alors qu'il ne va rien lui apporter, il ne va rien lui amener, il a perdu son temps. Il connaît la marque des vêtements qui est portée par le footballeur, il a perdu son temps. Et son prophète, والسلام, il ne sait même pas que dans ses talons, il n'y a pas beaucoup de viande. Il ne sait même pas que sa bouche, elle est large. Il ne sait même pas comment il marche. Alayhi salatu wassalam. Al-Babu Thani, deuxième chapitre. Babu Maja'a fi Khatamin Nubuwa. Deuxième chapitre. Concernant le sceau de la prophétie. Al-Khatam, huwa qit'atun min lahm. Fi dhahrin, ala dhahrin nabi. Alayhi salatu wassalam. Wa huwa min alamat nubuwati nabi. Alayhi salatu wassalam. Le sceau de la prophétie, c'est un bout de chair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait derrière son dos ou sur son dos, et ce bout de chair était un signe montrant qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que c'est encore fi sifat an-nabi alayhi wa sallam. On voit que c'est encore dans la description physique. Mais là, on va parler particulièrement de cette chose-là, de ce point-là. Al-Khatam, al-juz'u min al-qit'a min lahm al-nabi alayhi salat wa sallam ala dhahrihi bayna katifayhi wa aqrab ila al-aysar. Donc, c'est un bout de chair qui était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ses épaules, plus proche de l'épaule gauche que de l'épaule droite, comme on va le voir. Ensuite, les savants ont divergé. هل ولد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره هذا الخاتم وهذه القطعة من اللحم أو حصل هذا عليه يوم شق جبريل بطنه وغسل قلبه على قولين ويقول الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله شارح هذا الكتاب الأقرب والأظهر بالأدلة أن هذا ما ولد به النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حصل عندما شق جبريل بطنه وغسل قلبه والله أعلم. Les savants ont divergé. Est-ce que le prophète est né avec cette marque de peau sur son dos, ou bien est-ce que cette marque de peau est arrivée le jour où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était enfant et il lui a ouvert le ventre, il lui a sorti le cœur, il lui a nettoyé le cœur, il lui a remis, il lui a fermé. Et les savants ont divergé. Et le Cheikh Abdel Razak Al-Abbad, qui explique ce livre-là, dit, il apparaît, alaykoum salam, avec les preuves, que ce qui est le plus proche de la vérité, c'est de dire que il n'est pas né avec cette marque sur le dos, mais cette marque sur le dos est arrivée au prophète, alayhissalatu wassalam, quand on lui a ouvert le ventre et on lui a nettoyé le cœur. Et ça, c'était quand il était enfant. Et c'est de ça qu'Allah parle quand il dit Alam nashrah laka sadrak. Dans cette sourate, Allah dit Alam nashrah laka sadrak. Nous n'avons pas ouvert ta poitrine quand Jibril il lui a ouvert, il lui a sorti le cœur. Wa wada'na 'anka wizrak. Et on a enlevé de toi le fardeau, la chose qui te gênait. On a nettoyé ton cœur, il est devenu pur. Wa rafa'na laka dhikrak. On a élevé ton nom. Ton nom, il est mentionné partout. Dans tous les pays, dans tous les endroits, dans tout instant, et jusqu'à la fin de la sourah. Donc, huwa juz'un min al-badan. Wa hadha al-khatam ja'a fi al-kutub as-sabiqa fi al-injil wa at-tawrah wasf al-nabiy alladhi sayati akhir al-anbiya wa min alamat nubuwwatihi anna 'ala dhahrihi khataman. Donc dans la Torah, l'Injil, l'Évangile, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été décrit. Et Allah avait décrit son prophète avec ce sceau qui serait un signe montrant sa prophétie qui se trouvera sur son dos, alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça que quand al-Yahoud, les Juifs sont venus voir le prophète alayhi salatu wa sallam, une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont été regarder son dos. Parce que dans la Torah, c'était marqué que le dernier prophète qui va venir, il aura une trace dans le dos. Et ils ont regardé son dos, alayhi salatu wassalam. Et comme on va le voir dans les hadiths qui vont suivre, que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, quand il s'est converti à l'islam, on lui a dit, un prophète va venir parmi les Arabes, dans un endroit où il y a des palmiers, c'est la ville de Médine, et on lui a donné des signes qui montrent que c'est vraiment un prophète. Et parmi ces signes, on lui a dit, tu verras sur son dos, il a une trace. Et quand Salman est allé voir le prophète, alayhi wa sallam, il a vu sur son dos une trace, et il a reconnu que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va lire après, plus tard, l'histoire de Salman, radiyallahu anhu. وَالْخَاتَمْ يُشْبِهُ الْجَسَدُ أي في لونه كلون الجسد. Donc le sceau qui est sur le dos du prophète alayhi wa sallam a la même couleur que le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهُوَ بِحَجْمِ الْبَيْضَةِ Il est de la taille d'un œuf, comme on va le voir dans les hadiths qu'on va lire inshallah. Donc الحديث le 16 le 16e hadith, il est rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu min as-sahaba. Yaqul dhahabat bi khalati ila rasulillah alaykum salam sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasulallah inna ibna ukhti waji' ay bihi marad wa saqam wa jaa fi riwayat al-Bukhari inna ibna ukhti waqi' وهذا فيه دلالة أن المرض في قدميه في قدميه قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ما بقي من ماء الوضوء وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة سنشرح كل هذا إن شاء الله. Donc As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu dit, ma tante m'a emmené voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un compagnon, quand il était jeune, il était malade. Sa tante, elle l'a pris et elle l'a emmené voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, ya Rasulallah, inna ibna ukhti, le fils de ma sœur, wadi' est malade. Et l'imam al-Bukhari rapporte qu'elle a dit waqi'. C'est-à-dire, il a une maladie dans les pieds. Donc, on voit que la maladie qui a atteint cet homme l'a atteint dans ses pieds. Il dit, فَمَسَحَ رَأْسِي Le prophète, أي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَحَرَّكَهَا Donc, le prophète, a.s. a posé sa main sur la tête de Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, et il lui a frotté la tête comme ça. وَدَعَ لِي بِالْبَرَكَةِ Et il a invoqué Allah en lui demandant de donner à Sa'ib ibn Yazid, qui était malade et qui était jeune, la baraka dans son corps et dans sa santé. Al-baraka huwa thubut al-khayr min Allah azza wa jal. Et quand on dit al-baraka, kafarat al-khayr. Kafarat al-khayr wa thubutuhu. Donc al-baraka, la bénédiction, c'est que dans la chose, il y a beaucoup de bien de façon continuelle, tout le temps. Tout le temps il y a de la baraka, il y a tout le temps du khair. Le prophète a.s. a pris la tête de ce jeune homme, il lui a frotté avec sa main, il a dit Allahumma barik fi, au barik alayh. Il a demandé à Allah de lui mettre la baraka. Ensuite, watawadda, et le prophète a fait accompli ses ablutions. Il a fait al-wudu. Qala, fasharibtu min wudu'i, wa farqun bayna wudu wa wudu. Al-wudu huwa al-fi'l. الوضوء الوضوء هو الماء الذي تستعمله تستعمله في الوضوء فهو شرب بقية الماء من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كالسحور والسحور السحور هو الفعل عندما تأكل والأكل نفسه اسمه السحور. Donc il dit, j'ai bu l'eau qui restait de ses ablutions, j'ai bu l'eau qui restait de ses ablutions du prophète عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ما خص الله به نبيه ولا يجوز لأحد أن يتبرك بأحد وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. Donc il dit, j'ai bu l'eau qu'il restait de ses ablutions. Et on va voir après qu'il a été guéri. Il a bu l'eau qu'il restait. On va pas voir qu'il a été guéri, mais il a été guéri. Il a bu l'eau qu'il restait des ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit à travers ça que les compagnons, radiyallahu anhum, cherchaient de la baraka dans le corps du prophète alayhi salam, dans sa salive, dans ses cheveux, dans tout son corps. Et on a le droit de faire ça qu'avec le prophète alayhi salatu wassalam. En sachant que les sahaba, quand ils faisaient ça, ils savaient que le baraka min Allah wa laysa min an-nabi nafsihi wa innama hadha sabab abahahu Allah. Ils savaient que la baraka ne venait que d'Allah, mais Allah leur a permis de la chercher de cette façon. C'est pour ça que quand ils étaient malades ou quand ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient, soit ils prenaient des choses du prophète alayhi salatu wassalam, soit le prophète leur frottait, ou bien ils buvaient le reste de ses ablutions et ils guérissaient. Et on n'a plus le droit de le faire. Et celui qui fait ça à quiconque, il est tombé dans le shirk billah azza wa jalla. Il est tombé dans l'association à Allah, le pire des péchés. Même le plus grand savant de l'islam, le plus grand cheikh, l'homme le plus pieux, il n'a pas de baraka dans ses mains. Seul Allah subhanahu wa ta'ala la baraka. Qala wa qumtu khalfa dhahrihi. Wa hadha imma, yani, donc il dit, je me suis levé derrière son dos. Alors il y a deux possibilités. Soit il s'est levé en même temps que le prophète alayhi salam, il n'avait pas l'intention de le faire et il s'est retrouvé face à Al-Khatam Hada, il s'est retrouvé en train de regarder le bout de peau que le prophète il avait sur le dos, ou bien qasdan et qasada hada. Soit il n'a pas fait exprès, quand il s'est levé au même moment le prophète s'est levé, il est tombé sur son dos, il a vu le signe sur son dos, ou bien intentionnellement il s'est retourné et il a cherché son dos. Il s'est levé, il a cherché son dos. Parce que dans les anciens livres, on voit que le prophète qui va arriver, il aura une trace dans le dos. Quoi qu'il arrive, il s'est levé et il a vu. Il dit, فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. J'ai regardé le seau, le bout de peau entre ses épaules. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه جامع ليس هذا الكتاب في هذا الكتاب في الكتاب الآخر يشرح هذا المعنى. L'imam al-Tirmidhi qui a écrit ce livre-là, dans un autre livre, il nous explique cette phrase-là. Zirru al-hajala ay baydatu al-hajala wal-hajala ta'ir ma'ruf. Ta'irun ma'ruf. Faka'anna khatamahu bayda lihada al-naw' mina al-tuyur alladhi huwa al-hajala. Donc il dit, j'ai regardé la trace de peau entre ses épaules et j'ai vu qu'elle ressemblait à l'œuf de l'oiseau qu'on appelle la perdrix. D'accord ? La perdrix, en France, il vit dans le sud de la France. Elle vit dans le sud de la France ou bien en Bretagne. Il y a la perdrix grise, la perdrix rouge. Hein, j'ai regardé avant de vous dire tout ça. Et cet oiseau, il est beau et il a des rayures sur les deux côtés. Et si vous voulez savoir comment ils sont ces œufs, vous cherchez sur Internet. D'accord ? Et j'ai vu que c'est les œufs de cet animal, ils sont ovales. Ils sont ovales comme un peu les œufs de la colombe. D'accord ? Donc ils sont de la forme, la trace qu'il a dans le dos, elle ressemble à l'œuf d'une perdrix. En arabe, il a des points. Il a des. Ah, on ne prononce pas le X. Perdrix. Celui qui sait que je fais une erreur quand je fais une erreur, il me corrige, il ne me laisse pas dire des bêtises. La perdrix, voilà, barakallahu fik. C'est la première fois que je connais cet oiseau. Donc, on voit maintenant la description du sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va terminer, inshallah, avec une chose. On vient de voir que le prophète, alayhi salatu wa sallam, masaha ra'sahu wa da'alahu bil baraka. Fama hiya natija? Natija rawaha al-ulama. Quel est le résultat de cette invocation que le prophète a fait à ce compagnon quand il a frotté sa tête et il a dit oh Allah mets-lui de la baraka? La réponse, c'est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah an al-Ja'd ibn Abd al-Rahman qal ra'aytu sa ibn Yazid ibn 94 sana qala جلدا معتدلا أي قوي ليس فيه انحناء فقال السائب قد علمت ما متعت به أي بسمعي وبصري إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. L'imam al-Bukhari رحمه الله rapporte que Ja'ad ibn Abd al-Rahman a dit, j'ai vu السائب ibn Yazid. Qui c'est السائب ibn Yazid? Ce jeune enfant là qui est venu voir le prophète avec sa tante parce qu'il était malade, hein, alaykoum salam, le prophète a frotté sa tête et a invoqué Allah et lui a demandé de lui mettre le baraka. Là, Al-Ja'd ibn Abdurrahman nous dit, je l'ai vu, il avait 94 ans. Il était encore vivant, il avait 94 ans et son corps, jasaduhu mutamasik, fihi quwwa, il avait encore de la force dans son corps. Il n'avait pas de rides, il n'était pas ridé. Wa kana mu'tadila. Il n'était pas ridé et son corps, il était droit. Radiyallahu anhu. Et ensuite, Sa'ib ibn Yazid, il lui dit, là il a 94 ans, et il se rappelle de l'invocation que le prophète il a fait quand il était jeune. Qu'est-ce qu'il dit ? Laqad alimtu ma muti'tu bihi illa bi du'a ar-rasul alayhi as-salam. Très certainement, je sais que je jouis de ces bienfaits-là, de ma santé, par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah azza wa jalla an yufaqihana fi ad-din wa an yarzuqana hubb ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. ويتوفانا على سنته ويثبتنا عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك